Narcos et le Rack, des bons gars qui font du bon taf. Narcos, le Rack, bah quoi dire, simplicité, des mecs opés, des vrais gars. Narcos et le Rack, franchement, ce qu'ils disent, c'est vraiment des trucs vrais. Et c'est pas forcément tout ce que tout le monde va entendre, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. À écouter. Surtout à une époque où le hip-hop ça commence à sentir un peu le réchauffé et le trop gentil, le trop politiquement correct. Et puis voilà, ils se prennent pas la tête, ils représentent. Ça fait du bien un peu. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de vécu, ouais, et on se reconnaît beaucoup dans leurs textes. Il y a beaucoup de sincérité chez Narcos et les Rack, il y a beaucoup d'acharnement et tout ça, de toute manière, on retrouve dans leurs textes et quand on les voit sur scène. Narcos et les Rack, ça fait un petit moment que je les écoute. Ils ont pas mal évolué, autant niveau prod, autant niveau écriture, autant niveau enregistrement, et ça devient de plus en plus professionnel. Ils représentent le peuple, Oui, ils représentent beaucoup de personnes en faisant ça, et franchement, continuez les gars, et c'est bien ce que vous faites. Qui ça? Narcos et le Rack? Non, je connais pas.